Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marion Mésadorian. Salut Marion, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va super, merci et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah bah merci à toi, ça fait plaisir, hein. Même si on ne se voit pas en vrai, quelque part, c'est une forme de chaleur humaine. C'est absolument. Bien. C'est le lien qui nous manque en ce moment et très bientôt, on espère le retrouver. Et d'ailleurs, quand le podcast sortira, j'espère que toi et moi, on sera sur scène en train de kiffer avec des spectateurs. Ah ouais, c'est sûr, on va tout donner. En tout cas, le plaisir est partagé, merci beaucoup. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oui, alors écoute, toi, tu m'as orienté vers galère d'humoriste, hein, c'est ça ? Je sais que la vie d'un humoriste est une galère, je le sais. Hein, mais... Oui, c'est ça. Alors, je te dis, bon, lesquels ? Parce que finalement, tu sais, quand tu as pris le recul, tu es obligé de te marrer de ces galères. Au début, tu deviens tout blanc, hein, tu trembles de cette galère-là. Et puis, 2 ans après, tu fais, non, mais c'est extraordinaire d'avoir pu vivre ces conneries-là, tu vois. C'est quand même magique. Sûr. J'avais déjà raconté, je crois, mais c'était une de mes premières dates de tournée. J'avais joué au café-théâtre de Nantes. Qui s'appelle la compagnie du café-théâtre de Nantes. Et en fait, moi, j'ai passé une semaine de résidence géniale là-bas. Et c'était au milieu, il y a une date. Donc, je commence, c'est dans la petite salle de 50. Et le troisième soir, on me dit, oh là là, Marion, t'es complet. Il y a même plus de 50 personnes, ils vont être 100. Donc, on te met dans la grande salle. Il n'y a pas d'artiste ce soir-là. Donc, je lui dis, oh là là, mais c'est incroyable. Comment ça se fait qu'en 2 jours, tout le monde vient me voir? Et en fait, j'ai compris le truc, c'est qu'en fait, c'était tu sais comment on appelle ça, un CE. C'était un groupe de... Alors voilà, on avait donc 50 résas de gens qui venaient parce qu'ils avaient envie de découvrir un artiste et 50 personnes de maçons, de gens du BTP à qui on leur avait offert la soirée. Et les mecs, ils avaient bu, tu sais, les bières, le vin, le saucisson juste à côté. Et quand on leur a dit à 21h, allez, il faut aller voir le spectacle d'à côté, ils se sont dit, mais qu'est-ce que... Non, non, on va rester là, on va boire un coup, tu vois. Ils n'avaient pas du tout envie d'aller voir le spectacle d'une gamine de 30 piges. Et donc, je me retrouve avec une salle de 100. Et puis, je ne savais pas trop à quoi j'allais m'attendre. Et je vois le mec qui passait juste avant moi, qui avait fait ma première partie. Il était extraordinaire, il s'appelait Kevin. Et ça riait pas. Et je me disais, mais pourquoi ça rit pas ? Il est génial, lui, toute la semaine, ça avait ri. Ouais. Je me dis, mais c'est vraiment très étrange. Et en fait, quand je suis arrivée sur scène, écoute, mais c'était même pas un glaçon. C'est-à-dire que vraiment, mais c'était l'enfer sur scène, quoi. Et il y a même un régisseur, le régisseur qui m'a expliqué que quand le Kevin qui avait fait ma première partie a commencé à parler, il y avait des gars qui étaient sur YouTube avec leur téléphone dans la salle et qui n'écoutaient pas du tout le spectacle. C'est-à-dire que les mecs n'avaient pas envie d'être là. C'est là où tu découvres aussi ce que c'est les joies des invitations, tu sais. On sait. Tu sais, quand on les mecs qui disent « Ah, tu m'invites pas ?» Non, gars, quand t'as payé ta place, t'es vraiment productif. Vraiment, je t'assure, c'est pas que je radine, c'est que je sais que tu vas plus kiffer, moi aussi. Paye donc 15 euros, vraiment, n'hésite pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça, les CE, bon voilà, je comprends. En plus, ça part d'une bonne intention d'offrir de la culture à son équipe, quoi. Mais je crois que le gars, il avait pas du tout cherché un truc qui pouvait correspondre à son public, quoi. Et alors après, je fais pas un spectacle hyper girly, mais bon, quand même. Enfin bref, donc ça, c'était quand même magique. Mon metteur en scène qui me disait toujours, écoute Marion, c'est jamais la faute du public. Si ça arrive pas, il faut toujours aller les chercher et tout. Et là, il vient me voir à la fin, il me fait, non Marion, vraiment, là, je t'assure, c'est pas grave. Vraiment, on va aller se coucher. Là, il a remis en cause sa théorie, là. Attends, mais je te jure, la tristesse. Il m'a dit, je suis désolée, on aurait pu faire une répète, toi et moi, ça aurait été plus vivant. Donc... Franchement, allez, on va oublier, on va boire un petit verre de vin. Et puis, on va aller se coucher. Et demain, on retourne dans la salle de 50. Ça va être génial, tu vas voir. Mais ouais, mais attends, mais je comprends pas. Le CE, il n'avait pas prévenu qu'il y avait le spectacle de Marion Mésadorian ? Mais si tu... Alors, c'était en 2017, donc il y a 4 ans. Ça faisait un an que je jouais. Et si tu veux, bien sûr qu'ils avaient prévenu. Moi, je ne savais pas. C'est la première fois que j'ai des dates de tournée, la première fois que je jouais devant un CE, et enfin, mixé à des gens qui avaient aussi réservé leur place, à part. Et en fait, ça te... Bref. Non, ils n'avaient pas envie d'être là, en fait. Je crois que quand tu fais un spectacle comme ça, soit tu... tu écris pour eux, un peu comme on disait, tu vois, pour des soirées privées, et tu les intègres un peu pour aller les chercher. Mais moi, je débutais, je n'avais pas commencé, puis je ne pouvais pas vraiment parler que pour eux, puisqu'il y avait quand même une autre moitié de salle qui n'était pas du tout leur entreprise à eux. Donc, enfin, ouais. Bref. Oh, c'est les galères d'humoriste, hein, écoute. et du coup, les gens... Alors, est-ce que tu voyais... Est-ce que tu arrivais à voir la différence entre les gens du CE et les spectateurs lambda? Ben, oui, c'est-à-dire que sur les premiers rangs, il y avait les spectateurs lambda et sur les deux tiers restants, il y avait le CE. Mais ça faisait une espèce de mur du son où les mecs presque interdisaient le rire dans l'énergie générale de la salle, tu vois. Et oh là là. Tu sais, c'était hyper glaçant et je me dis, mais je suis trop nulle. C'est vraiment mais horrible. Et donc, du coup, écoute, tu te bats jusqu'au bout, tu vas chercher des trucs, tu les taquines, et puis tu déroules ton truc du mieux que tu peux, et tu te dis, allez, demain, je vais tout fracasser, et puis voilà, j'aurais mieux appris. Donc, voilà. Et du coup, le lendemain, ouais, ça s'est mieux passé ? Ouais, c'était top. Non, franchement, la semaine était merveilleuse. C'est un lieu magnifique là-bas, à la compagnie du Café Théâtre de Nantes. Et voilà, mais c'est ça. Écoute, tu sais, c'est les premières. Les premières, t'apprends. Ah oui, oui. Alors, sans mauvais jeu de mots, avec le CE du BTP, t'essuies les plâtres. Oui, ah, allez, voilà. Non, mais je comprends parce qu'il y a une grande différence pour moi. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'écrire des blagues pour eux, tout ça. Quand tu veux séduire un CE... c'est sûr que quand tu vas chez eux, tu vas te renseigner, tu vas demander est-ce qu'il y a eu des petits dossiers dans l'entreprise, est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois absolument vanner, ouais. Tu vois, je sais pas, tu demandes un peu l'état de l'entreprise, quoi, on va dire. Mais ça, ouais. C'est quand tu vas chez eux. Mais là, toi, tu pouvais pas parce que du coup, ils venaient chez toi, tu n'étais pas au courant, tu pouvais pas préparer ouais. Quelque chose spécial pour eux. Si tu parlais que d'eux, les autres spectateurs allaient se sentir largués. Donc vraiment, là, tu sais quoi, c'était un guet-apens. C'était vraiment un guet-apens. Après, je pense que peut-être n'importe quel humoriste un peu aguerri aurait sorti les armes. Mais là, je savais pas du tout que c'était un CE. Je savais pas du tout. Moi, on m'avait juste dit, c'est génial, c'est complet. Et donc, toi, tu es là, tu fais, oh, c'est génial. C'est pas du tout que tu vas te faire défoncer. Et donc, et c'est que je savais pas dans quel milieu ils étaient. Je voyais beaucoup d'hommes. Et je me suis dit, mais qui c'est ? Pourquoi personne n'est motivé ce soir ? C'est censé être un moment de fête. Enfin bref, franchement, écoute, avec le recul, tu te marres et puis, t'as appris quoi. C'est sûr que tu revis jamais deux fois la même chose. Hein. La prochaine fois, ça t'arrive, tu laisses pas passer l'instant. Hein. Tu dégaines. Ouais. Ah mais ouais, mais là, sur le moment, ouais, c'est sûr, t'as dû déguster. Hein. Et ta convalescence a duré combien de temps ? Écoute, t'as pas le choix, faut remonter sur le cheval parce que le lendemain, je rejouais quoi. Mais c'est ça qui est bon, tu vois, c'est que notre métier, il est plein de surprises là-dessus. Tu te prends une tôle un soir et puis le lendemain, t'as l'impression d'être à Bercy, d'être Beyoncé, t'as tout donné. Tu fais, mais voilà, pourquoi ils sont pas venus ce soir ? Ouais, mais c'est ça, en fait. Et l'avantage, c'est que quand tu te prends une tôle, tu vois, un truc, tu prends un bide, tu prends une ambiance glaciale, un peu un iceberg comme t'as eu toi, tu vois, vraiment, le lendemain, t'as la rage, t'as envie, t'as une énergie de revanche, tu vois, et le moindre rire, tu vas le savourer et il aura toujours un goût meilleur que n'importe quel rire d'avant, tu vois. Ouais, ah oui, c'est vrai. Le lendemain, c'est vrai qu'on a une force incommensurable parce qu'on se dit non, mais pas une deuxième fois en fait. C'est mort. Ouais. En fait, avant chaque grosse date qu'on fait, on devrait inviter un CE du BTP, tu vois. Voilà, ça sera la morale de anecdote. C'est ça. Attends, mec, tu fais l'Olympia. Attends, fais d'abord un CE du BTP la veille. Comme ça, l'Olympia, tu vas te déchirer derrière, tu vois. Tu vas tout donner, mec. Ouais. Tu vois, tu disais ça, c'est dans tes débuts et tout. Mais heureusement, c'est là que tu vois après que tu es motivé par l'humour et que tu as envie d'être sur scène, de partager avec les gens et tout. Les gens, tu les aimes. Quand tu vois que tu es capable d'endurer ce genre de choses et que le lendemain, tu remontes tout sourire comme si de rien n'était. Ah, franchement, les gens doivent se rendre compte qu'on les aime, quoi. Mais c'est vrai, t'as raison, parce que je me dis quoi, je m'étais même pas fait cette réflexion, mais c'est vrai que c'est tellement violent. Tu sais, les gens, souvent, ils nous disent « Oh, moi, j'ai du mal à prendre la parole pour faire un anniversaire, faire le discours, pour avoir une réunion, dire ce que j'ai pensé du truc. » Et tu te dis, toi, c'est ce que tu vis. Alors, presque, tant pis pour toi, tu as choisi ton métier. Donc, que tu ne sois pas heureux, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'il y a ce fameux truc où quand même, c'est d'une violence inouïe. Et tu as raison, c'est vrai que si on y retourne le lendemain, purée, c'est qu'on a quand même sacrément ça dans les veines et qu'on y voit vraiment un objectif très précis sur le long terme, je pense. Donc, on apprend tous les soirs. Et franchement, quand on sait que même les plus grands qu'on admire, ils galèrent encore aujourd'hui quand ils font du rodage ou même sur des grosses scènes, c'est l'humain, c'est ça qui est beau, c'est le spectacle vivant ou pas. Donc, on apprend. Ouais, non, mais c'est un apprentissage permanent. Et puis, je pense que n'importe quel humoriste, que sa carrière soit au début ou que sa carrière soit proche de la retraite, on s'en fiche complètement. Tout le monde galère et tout le monde se remet en question après un bide ou quoi, tu vois. Et puis, ces personnes-là qui te disent on a du mal à parler en public et tout, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et ça fait toujours plaisir que la personne te dise vraiment j'ai adoré ce que vous avez fait et tout. Moi, je serais incapable de parler devant les gens. Mais il ne faut pas oublier que si elle a adoré ce que tu as fait, c'est que ça s'est bien passé. Mais parler devant les gens quand ça se passe bien, c'est une chose. Déjà, c'est dur. Mais parler devant les gens quand tu leur balances des blagues et que eux, leur seul retour, c'est je ne t'aime pas. Tu vois, c'est très, très dur. C'est très très dur parce qu'en plus il faut que tu gardes le sourire, tu sais, tu peux pas dire ah bon ça vous plaît pas, je vais partir du coup. Non, tu dois rester jusqu'au bout alors qu'à l'intérieur tu veux mourir, il faut qu'à l'extérieur on ait l'impression que tu es Beyoncé au Madison Square Garden, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais quoi, chaque soir, on apprend. Moi, les soirs où ça peut être un peu plus dur, t'en as toujours dans l'année des soirées comme ça. Et je me dis, écoute, c'est très bien. Là, on est dans le dur. C'est là où tu travailles le muscle. c'est à la salle de sport quand tu sues et que tu veux pas faire la dernière série. Ouais. C'est cette dernière série-là qui est dure, mais tu sais que si tu l'as fait, ça va t'apporter plus de résultats que si tu avais été genre sans échauffement ni rien, quoi. Exactement, tu sais que si tu passes ce truc, et puis tu vas trouver des trucs. En fait, chaque seconde sur scène, tu dois trouver des trucs. C'est instinct de survie, il faut que je les récupère. Je parle à des gens, ils ne m'écoutent pas, ou alors ils ne comprennent pas, ou alors ils ont décroché. Instinct de survie, qu'est-ce qu'on fait? C'est presque un date avec 100 personnes, quoi. C'est ça. Et du coup, il faut retrouver la magie, il faut retrouver la séduction, il faut un silence, un regard, tu hausses le ton, tu diminues, il faut tester. On a un corps, on a une voix, on a des mots, on a nos regards, c'est trop beau, franchement, c'est ça. Hein. C'est reconquérir le public, et je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment. Je pense même que cartonner, c'est moins fort que si tu étais en train de, pas de bider non plus, on va pas se mentir, mais genre si tu les sentais vraiment pas avec toi et que tu arrives à les récupérer, oh, c'est la meilleure drogue possible, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette parce que on voit le pouvoir de la parole. On voit vraiment le pouvoir de la parole. Franchement, des fois, quand je discute avec certains, je dis, mais tu sais, en fait, c'est vrai que c'est politique, finalement, ce qu'on fait. On a beau parler de divertissement, mais tu as un micro, tu es seul à parler pendant une heure devant 20, 50, 100, 400 personnes. Seul. Tu peux dire ce que tu veux. Tu es seul, on n'écoute que toi. Donc, vas-y. Vraiment, n'hésite pas à dire mais tout ce que tu as dans le crâne, avec un maximum de poésie, d'intelligence humaine pour ramasser les âmes qui sont là ce soir-là et pour envoyer, quoi. Donc, après, notre défi, c'est de faire du rire. Si on ne fait pas de rire, on n'a pas la mission attendue. Maintenant, du rire pour du rire, ça ne marche pas non plus. C'est là où on voit qu'on réfléchit, on a besoin d'être nourri par des mots, par des images, par quelque chose qui nous sort des tripes, quoi. Donc, franchement, non, c'est la scène, c'est vraiment une trop belle aventure. C'est magnifique. C'est vrai que j'avais jamais vu ça, le parallèle avec la politique. C'est vrai que c'est très intéressant parce que quelque part, quand tu montes sur scène, comme tu le dis, tu es tout seul, tu as un micro et tout. En fait, c'est comme si on était en campagne. Mais oui, mais je te jure. Alors, attends, tu sais quoi? En anecdote de galère, là, il y en a une qui me revient et qui m'a fait penser à ça, que c'était politique, parce que j'avais été sélectionnée pour jouer mon spectacle à un festival du monde qui s'appelle le Festival Saint-Gervais. Et je l'ai joué il y a 2-3 ans. On était quelques-uns, c'était très chouette. On était 6 sélectionnés. Donc, chacun jouait une demi-heure de son spectacle. Ou son spectacle complet, je ne sais plus, enfin bref, on jouait, quoi. Et à la fin de mon spectacle, j'incarne le personnage d'une SDF. et qui est entre rire et larmes, c'est les deux, quoi, sans que ce soit un guet-apens. Et en fait, dans la salle, il y avait beaucoup de people. C'est la première fois que je jouais devant autant de people. Il y avait, je sais plus, il y avait 4-5 personnes du cinéma, d'autres un peu mondaines, un peu jet-set, parce que c'était le festival en montagne où les mecs, ils se font quand même payer la semaine de ski pour être pris sur le photocall. Et dire, hey, t'as vu, il y avait machin cette année, on y retourne l'année prochaine. Et du coup, ils sont dans la salle, on leur dit, ouais, après la piste bleue, il y a Marion Mésadorian qui joue. C'est qui? On ne sait pas, on s'en fout. Après Raclette, il y a Mésadorian. Donc, on y va. Et en fait, je fais tout mon spectacle, ça se passe bien. Pas la folie, mais ça se passe bien. Et je joue la SDF. Et écoute, mon cerveau a vrillé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de dire. Je parlais de quelqu'un qui n'avait rien. Et j'étais face à des gens qui avaient tout. Et je te jure que mon cerveau a vrillé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, dans le qu'est-ce que je fous là, je suis sortie de scène et ça a pris tout son sens. Alors déjà, quand je me suis dit qu'est-ce que je fous là, je me suis mise à pleurer. Ah ouais, d'accord, t'as été submergée par l'émotion, quoi. Ah non, mais quand je te dis galère d'humoriste, on y est. Je me suis mise à pleurer, c'est-à-dire je finis le sketch de la SDF, j'attends le noir, là je me mets à pleurer. C'est un moment assez émouvant à ce moment-là, mais c'est certainement pas à la comédienne de chialer, à la limite c'est le public, tu vois. Et donc moi j'avais un final, il me restait 5 minutes de texte, il y a un noir avec de la musique, et pendant le noir, je commence à pleurer, je me dis « reprends-toi, reprends-toi, reprends-toi » et la lumière revient. Et je fais mon final en faisant une boucle et en disant, voilà, je m'appelle Marion Mésadorian, j'ai fait ça, ça, ça, ça, et c'est mon final. Et quand je commence à dire ce que je suis en train de dire, ma voix, elle déraille comme ça et je commence à mettre à pleurer. Et là, il y a tout le monde qui m'applaudit parce qu'ils étaient émus de la fin du perso en se disant, mais pourquoi elle pleure? C'est bizarre. Enfin, et en même temps, il y avait une certaine tension dans la salle. Et du coup, ouais, je me suis dit dans ma tête, mais en fait, il faudrait que je dise même plus, tu vois. Parce que pour que ça touche encore plus ces gens-là et que le message passe, quoi. Si je peux être le message entre les mecs qui font la manche sur la ligne 2 et les mecs qui sont à la jet set, là, en piste de ski. Et en fait, je me suis dit, ouais, purée. Et y avait Gérard Rolch dans la salle. Et en fait, il était dans le jury pour noter les comédiens. Et en fait, je me mets à pleurer, je me reprends et je l'entends qui crie « Allez !» Il voyait la ligne d'arrivée et que le sportif, il avait boité. Oh. Donc, oui, je me reprends quand... Il restait mes trois phrases à dire et mais mon cerveau avait vrillé. Donc j'ai fini, j'ai des très belles applaudissements. Voilà, ça reste des moments assez fous. Voilà, c'est politique parce qu'en fait, ce que tu dis, le but étant pas de faire un meeting d'un coup, de ne plus être drôle, c'est avec beaucoup de poésie et de drôlerie faire réfléchir et tendre la main entre des mondes très opposés, tu vois. Donc, oui, un peu le véhicule, quoi. Ouais, le véhicule entre deux trucs. Enfin, véhiculer un message, en fait. Voilà, quoi. Ouais. C'est tout qui va transporter le message de ce monde vers l'autre monde. Parce que c'est vrai que si tu regardes bien, c'est deux mondes qui vont jamais se rencontrer, quoi. Mais jamais, ou alors s'ils se rencontrent. Si, ils se rencontrent. Ils se rencontrent dans la rue. Ils marchent, il y a un moment donné, mais ils se regardent pas. Ils vont jamais échanger, ils vont jamais communiquer. Bien sûr, ils vivent dans le même endroit, on va dire. Tu vois, ils vivent dans le même pays. Mais... voilà, ils n'auront jamais l'occasion d'échanger. Voilà. Donc, toi, tu peux faire passer des messages. Tu sais, un peu comme quand tes parents, ils s'embrouillent et qu'après, ton père, il dit « va dire à ta mère ça » et ta mère, elle dit « va dire à ton père ça ». Tu vois, tu sais, tu fais le messager, en fait. Donc, toi, tu es un peu le messager entre les deux mondes, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Franchement, c'est parce que, effectivement, tu dis « ils se croisent », mais est-ce qu'ils ont envie de se regarder, tu vois? Et c'est juste ça, c'est de dire, vas-y, en fait, ça ne changera rien. Ça va t'apporter même plus de bonheur et d'humanité d'ouvrir juste les yeux, de faire un sourire, de dire un bonjour. C'est tout. Ouais, on ne te demande rien de plus dans un premier temps, tu vois. Ouais, c'est pas faire comme si tu n'avais rien vu, quoi. Exactement. Et franchement, je te jure, mon cerveau a vrillé. Donc ça, c'était une galère d'humoriste. Franchement, c'était une sacrée galère. Hein, parce que chialer à la fin de ton spectacle, alors que ce n'est même pas fini, je peux te dire qu'il faut se reprendre. Je compatis parce que tu dois faire bonne figure, tu as envie de te lâcher à ce moment-là. Tu sais, c'est comme si ton corps te disait non, non, oui. Là tu pleures, donc finis ton truc tranquille, pleure tranquille, vas-y. Et tu sais, quand tu pleures et que ça fait longtemps que tu n'as pas pleuré, tu vois, vraiment, Moi, je sais que, tu vois, quand ça t'arrive à ce moment-là, tu as besoin de tout relâcher. C'est une pression qui s'est accumulée depuis je ne sais pas combien de temps et tout. Il y a plein de choses qui se mélangent. C'est-à-dire que pleurer et s'arrêter de pleurer dans la foulée, punaise, c'est balèze. C'est vraiment balèze. Donc, C'est ça. Et puis de récupérer. Non, franchement, la scène, c'est vraiment particulier parce que, effectivement, quand tu proposes toi un podcast galère d'humoriste, il y a effectivement qu'on fait tout le temps des rencontres. Le public, c'est un date différent tous les soirs. On ne sait pas qui y aura. Eux-mêmes ne savent pas qui on est. Donc, en fait, eux-mêmes ne savent pas qui y aura sur scène, comment il va parler. À la limite, il a vu une chronique radio, allez, un sketch qui traîne sur Internet, même pas. Les trois quarts, ils viennent, ils ont booké sur Internet parce qu'ils n'ont rien à faire ce soir et qu'ils veulent rire, se divertir, prendre l'air. Et donc, allez, c'est une rencontre, quoi. Donc, la plupart du temps, effectivement, ils sont bienveillants, ils sont pas là pour... ils nous veulent pas de mal, bien au contraire. Et c'est à nous, de justement, avec les mots, jouer et les choper, quoi, leur retourner le cerveau dans la joie. C'est noble comme truc, tu vois, on veut leur faire oublier leurs problèmes pendant une heure ou une heure et demie. On veut partager avec eux et puis on veut passer des moments, de beaux moments de partage et tout. Quand des fois, les gens dans le public ont une réaction qui nous apporte une nouvelle vanne, on en est fiers parce qu'on se dit, celle-là, on l'a créée ensemble, tu vois. Voilà, donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus beau que la scène. C'est vraiment un truc magnifique et on a envie vraiment de faire ça toute notre vie, je pense. Quand tu es dans l'humour et tout, tu sais, quand tu es au boulot, quand tu as un boulot classique, tu vois, moi je suis chauffeur de bus à Bordeaux, quand tu as un boulot classique, tu te dis punaise, vivement la retraite, tu vois. Et quand tu es sur scène, tu te dis mais je prie Dieu de ne jamais m'arrêter de jouer, quoi, tu vois. Ça soigne, ça fait du bien. Ben, tu sais, moi, avant de... Parce que là j'en vis depuis 2-3 ans. Mais avant que j'en vive, comme toi, j'avais 1000 jobs. J'étais babysitter, je vendais des fringues. Enfin, j'étais hôtesse d'accueil. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait des études très longues. Et puis, en même temps, j'étais persuadée que je voulais être comédienne. Et j'avais envie d'écrire un seul en scène. Et voilà, et ça a été job alimentaire sur job alimentaire. Jusqu'à ce que je lance le spectacle, jusqu'à ce que j'y trouve une récurrence, qu'avec les recettes que je dégageais, je pouvais me faire des cachets. C'est pour ça qu'il y a ce fameux statut de l'intermittence qui est important. Et puis, pour lâcher ton job de chauffeur un jour et de pouvoir en vivre grâce aux recettes que tu vas faire, que tu vas générer, et tu auras tout ce temps pour continuer à écrire du texte et les retrouver le soir, quoi. Donc, c'est ce que je te souhaite. je te remercie, ouais, c'est vrai qu'on a vraiment une situation super en France à ce niveau-là, on a une chance incroyable et on espère vraiment qu'on va pas perdre ces bénéfices-là et ces avantages, c'est des acquis en fait. Tu vois, les gens qui connaissent pas, ils ont l'impression que c'est un truc de feignant, c'est pour les feignants l'intermittence, pas du tout, c'est un système qui est magnifiquement bien fait, c'est-à-dire qu'il faut quand même travailler toute une année et sur cette année, tu as droit à une année d'aide. Une journée de plus. Donc, en fait, les gens le voient comme de l'assistanat, mais pas du tout. Exactement. C'est juste du chômage adapté. Parce qu'en fait, quand tu as un boulot classique, quand tu es à plein temps et qu'après ça s'arrête, on te donne du chômage, d'un coup, on te donne tout. Et quand tu es intermittent, justement, par définition, l'intermittence, tu ne vas pas travailler tout le temps. Donc, on te donne en fonction de quand est-ce que tu as travaillé et quand est-ce que tu as besoin, c'est tout. Mais c'est juste du chômage adapté, c'est tout. C'est la même chose qu'un... Un régime de chômage classique. Il faut le conquérir, ce chômage, c'est pas évident, parce que franchement, nous, c'est vrai qu'on n'a pas de CDI. On doit décrocher un CDI tous les jours, tous les 3 jours, tous les mois, que ce soit pour avoir un rôle au cinéma, que ce soit une pièce de théâtre, nous, pour notre propre spectacle, démarcher plein de dates de tournée dans toutes les villes, une ville, deux villes, trois villes, avant d'avoir 30 villes, il faut qu'on envoie. Ouais, c'est un vrai travail qui prend du temps. Et on a de la chance d'avoir ce système-là, donc non, c'est vraiment une pépite aussi d'avoir ça, quoi. C'est merveilleux. Oui, absolument, et on va tout faire pour pouvoir le garder, et puis que les gens, j'espère que les gens comprendront un petit peu mieux ça, et puis pourquoi pas que ça puisse éveiller des vocations et tout, que des gens se disent, heureusement, voilà, comme il y a ce système-là, je vais pouvoir me lancer, et puis travailler à fond, parce que bien évidemment, c'est du travail, mais... ça reste toujours un petit filet de sécurité pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que tous les humoristes, tous les artistes et tous les intermittents du spectacle au sens général sont contents qu'il y ait eu ce truc-là pendant le Covid, justement, vu qu'ils ne pouvaient pas travailler. Franchement, c'est vraiment du pain béni. Et puis voilà, parce que tu sais, franchement, je disais à mes potes, mais en fait, si on n'est plus comédien, en fait, on va être serveur. Ah ben non, les restaurants, ils sont fermés. Ben, on va faire Deliveroo. Ah ben non, il n'y a plus de vélo disponible. Ben, on va faire... Ben non, il n'y a plus rien. C'est ça, c'est ça. Le comédien est serveur, normalement. Ah, mais c'est ça. Bon, après, va pas dire à Macron qu'il n'y a rien d'autre à faire, parce que sinon, il va te dire, moi, je traverse la rue et je vous trouve du oui, boulot. Oui, vous traversez la rue. Ah là, là vraiment, ouais. C'est un coup à finir jardinier ou un truc comme oui. Ça, alors que tu ne connais rien à la base. On les connaît. Des jobs alimentaires, franchement, j'en ai fait un bon paquet. Et puis, non, t'inquiète pas, on se lève là, mais on sait ce que c'est. Hein. Non, c'est chouette. Mais donc voilà, notre beau métier, c'est un combat de tous les jours, mais c'est trop beau à recevoir après, quoi. C'est ça, c'est un combat qui vaut vraiment le coup et on a des galères dedans. Et merci d'avoir partagé les tiennes avec nous. Merci à toi, merci pour ton optimisme, ta joie de vivre. C'est trop chouette de t'entendre aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup, ça me va droit au cœur et j'espère qu'on aura l'occasion de jouer très bientôt ensemble. Ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Écoute, je suis sur Insta et Facebook, j'ai pas Twitter, donc à Marion Mésadorian. Je suis pas la plus active, hein, tu verras. Mais quand le spectacle reprend, je suis là chaque semaine. Mais on va dire que là, ouais, ça fait 6 mois, je suis pas très très active. Moi, j'aime bien être en direct avec les gens, comme tu peux le constater dans notre échange. J'aime trop parler avec les gens, me marrer, voir leurs yeux. Donc c'est vrai que je m'ennuie sur le téléphone. Je m'ennuie d'accord. Fortement. Mais par contre, j'utilise l'outil dès qu'il faut promouvoir, expliquer aux gens où est-ce qu'on peut se retrouver sur scène. Et ça, il n'y a aucun souci, je fais le travail, donc ça, avec un maximum de joie et de contenu sympa, quoi. Alors, normalement, vous pouvez me retrouver du 17 septembre au 31 décembre au Petit Palais des Glaces à Paris, les jeudis, vendredis, samedi à 19h30. Eh bien, voilà. Génial. Super. Et tu as une chaîne YouTube, peut-être, aussi ? Non, je n'ai pas de chaîne YouTube. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'ai pas de chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, il y a des vidéos, tu me diras. Si, si. Ouais. Non, la meuf a 112 ans, quoi. Si, si, j'ai une chaîne YouTube. Marion Mésadorian, toujours, on n'a pas changé de nom. Et du coup, ouais, j'ai des vidéos qui s'appellent Pépite, au pluriel, que j'avais faites il y a peut-être un an et demi. Et il y a une dizaine de vidéos, puis plein de petits trucs, des chroniques radio que j'avais faites. On peut y trouver des petits trucs, ouais, c'est vrai. Super. Du coup, je mettrai Facebook, Instagram et YouTube, il n'y a pas de souci. Oh, cool. Bon, bah, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.